beat, Seigneur El Khalif. Écoute ça. De 008. Cousin, je suis zen, pas de coke dans le zen, j'tisse de la tisane. Quand j'allume la télé, je vois des hommes qui nous prennent pour des ânes, ça me désole. Donc je laisse le thé pour de l'alcool sale. Ils parlent de pollution, mais pour du fric, refusent le code. D'où vient cette odeur colossale? Je crois qu'elle provient de leur colossale. Du fric, nous voulons ça. Avec nos thunes, c'est leur cul colossal. Costa reste chic, car toiture, grande maison et belle voiture. Moi, je suis qu'une petite peinture. Ça me saoule plus, je vais me faire la belle voiture. J'rappe, tu m'ôteras pas l'envie, même si je connais pas la vie. J'ai pas l'avenir du peuple qui est sous la dictature des pas la vigilance, pas la vie. J'ai sur un monde plein de maladies. Le virus, c'est la mélodie. Ça, c'est mon rêve qui me l'a dit. Je vis dans un nuage de fumée, je me baigne dans une rivière de sky. Le gaz n'arrête pas d'augmenter, tous les hivers je caille. Je couille quand ça va pas, je suis al quand ça va de ça. Gamatza, ils nous prennent pour le clown de Zabata. La patate il envoie, je l'esquive même si je la vois pas. Elle continue les promesses en bois, mais Marianne je la crois pas. Bah, un texte en guise de flashball. Bah, là je vise les lèches-boules. Envie d'avancer, mettre ma touche dans vos sons. Avant ça, je me lance, je veux être loin de vencer. Si la vie c'est se laisser marcher dessus, moi je suis plus, moi je veux pas être la proie, m'en veux pas, j'y crois pas. Je me présente, moi c'est gras du beat. Vite arrête le beat, appelle-moi Radevi. Tête en l'air perché, cerveau à ras du vide, fais pas de beat. Je persiste et qu'importe où tu m'apprécies, j'ai pas reçu 5 sur 5 et dis-toi que je suis paresseux. Si par hasard je prends ma part dans ce beau bazar, je parie pas que ça créerait pas de jalousie. Mais créant les gens le sont, les gens le savent. L'être humain est décevant, c'est de sa vie qui le paiera. Y'a la mort qui est là pour eux, je veux opérer seul dans mon coin. Les gens pourront braise enfin, je suis pas passionné. C'est faux, je te l'ai déjà dit 500 fois. Si te suffit d'ouvrir ton cœur et baffe-le, le mauvais diable baffe-le, c'est pas fini. Dis-toi, quand j'arrive, c'est gras du beat, je te certifie. J'arrive avec l'envie de faire du bruit, de faire parler les doigts. Comme les violences urbaines, gras du beat, je le remémore. Comme à l'ancienne, combien nous sommes à tout vouloir dans ce foutoir. Je vois mon futur bien embrouillé, tout embrouillé, faut se débrouiller, c'est gras du beat.